4. On va parler de la traversée internationale du lac Saint-Jean qui va se faire en course à pied. Ça va avoir lieu à compter de demain. Il n'y a pas de traversée internationale du lac Saint-Jean à vélo de montagne, mais il y en a une quand même à la course à pied. Moi, je trouve ça très, très courageux, très méritoire. On parle avec l'une des deux athlètes qui va participer demain. C'est Fanny Paquette de Boumsesni. Et on lui parle à moins de 24 heures comment qu'elle se sent. Bonjour, Fanny. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Fanny, qu'est-ce qui t'a motivé à faire la traversée du lac Saint-Jean à la course à pied? C'est quelque chose de vraiment capoté, là. Ouais, ben dans le fond, cette année, c'est la troisième année que je participe. Ouais. La première année, je commençais à courir, donc j'ai fait le 10 km. Puis je me souviens avoir vu là, les gens arriver du 32, puis je me disais jamais je vais faire ça. Mais finalement, ben le désir de pousser mon corps, d'aller plus loin, puis aussi d'aider la cause, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Fait que c'est pour ça que je le fais encore cette année. Il y avait, je sais que Stéphane Leroyer l'avait tenté il y a une couple d'années, c'était pour la traversée, c'était pour ramasser de l'argent pour la pointe des pieds. Est-ce qu'il y a une cause en particulier cette année qui te motive Oui, à faire? c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment au profit de la Fondation sur la pointe des pieds. Puis justement, ben, je cours beaucoup avec la fille de Stéphane, Jade? Qui l'a fait deux fois aussi. OK. Donc, c'est la même cause, la même fondation. C'est pour amasser des pour organiser des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints du cancer. OK. Si on parlait un peu de la préparation, qu'est-ce qui t'a fait la préparation? Quel genre de préparation t'as fait pour faire ce que je trouve quelque chose de très courageux? Ben, tu sais, c'est une longue préparation. Ouais. C'est une préparation qui commence en octobre. OK. Justement, moi, je me fais coacher par Jocelyn Gagné, ouais. Qui est très présent là, dans le milieu de la course à Debout-Mistassini. Donc, je me fais coacher par lui. Il me fait des programmes. Puis, c'est 5 entraînements par semaine. Deux entraînements d'intervalle, deux petits entraînements et une longue sortie. Puis, c'est ça, ça commence en octobre, c'est l'alimentation aussi, la musculation. C'est ça, c'est vraiment un projet là, Ça donne combien? Je de pense que ça donne 20 km à la course à pied, hein? Non, c'est 35 km demain. 35 km, OK. Et Ouais. monsieur, tu pars Ouais, de quoi? De 35 km. Vauvert ou de... L'an passé, on est parti de Vauvert, puis on arrivait à Robertval. Cette année, là, le trajet il est différent. On part de Saint-Gédéon. OK. Puis on arrive à Robertval, au village de Glace. C'est la même distance? Ben, l'an passé, c'était 32, mais là, cette année, ça semble, je regardais le trajet que Dino me montrait, ça semble être 35. OK. Jocelyn, c'est un excellent préparateur physique. Est-ce qu'il t'a préparé aussi pour le vent? On dit que c'est ça qui est le pire pour une traversée du lac Saint-Jean l'hiver, c'est le vent, le froid. Ça, t'as-tu il n'y a pas vraiment de préparation contre ça, là, j'imagine. Oh, Jocelyn me prépare pour Ah tout. ouais? Toujours. Oh, Jocelyn, je suis toujours prête avec Jocelyn. Non, mais tu sais, en fait, je veux dire, c'est l'habitude, là. Je dirais en fait que la meilleure façon de se préparer pour le vent, ben, c'est de travailler son mental. Ouais. Ça, Jocelyn prépare le mental, il prépare tout ça. Mais c'est vraiment le mental, c'est ça qui change tout quand il y a du vent, comme il y en a en ce moment. OK. Ça, là, c'est le. Parce qu'il y a un fameux mur, là. Tu sais, peu importe un marathon, là, 30 km, il y a un mur, là. Le mur, tu vas Oui, l'avoir oui. plus le vent. Donc, c'est vraiment d'autant plus méritoire. Hein? Ouais, ben je dirais là que toutes les fois que j'ai complété mon 32 km à date, j'ai pas vraiment pogné le mur. C'est sûr que tu es rendu au 27e kilomètre, là, ça fait mal de toute façon. Mais ouais, là, il va y avoir le vent. Mais il n'y en aura peut-être pas de vent. On va se croiser les Tu doigts. sais qu'on annonce demain, je pense qu'il y a du vent demain. Je ne sais pas ce qu'on annonce demain. Ouais, il annonce du vent, mais pour vrai, là, ça fait comme 2 jours que je regarde pas vraiment la météo. J'essaye de me mettre dans le meilleur état d'esprit qui Ouais. existe. Et puis, je Beaucoup regarde pas la météo. visualisation, j'imagine. Ouais, vraiment, tu sais, puis je vis, tu sais, c'est un petit stress, c'est sûr, là, pour ça, je le garde pour moi, mais ouais, je regarde pas la météo. Je mange en masse pour me bourrer d'énergie. Mais c'est ça, j'essaie de pas regarder ça pour éviter là, de me décourager ou de me mettre dans un C'est état sûr. qui me Là, vous êtes rendrait deux cette incertain. année, hein, c'est ça? Ouais. L'autre, tu fais ça avec qui, hein? C'est Dino Gravel, lui. OK, oui. C'est vraiment un très, très bon coureur. Il vient de Robertval. Puis Ouais. l'année passée, c'est lui qui est arrivé en premier. L'année d'avant, il est arrivé deuxième. Fait que, tu sais, je le fais avec ouais, un vraiment, vraiment bon coureur. Je suis contente qu'il va pouvoir me pousser aussi parce que c'est sûr qu'il est plus rapide que moi. Fait que c'est ça. C'est nous OK. deux. OK. Contre la nature, contre le vent et contre le lac Saint-Jean. C'est quelque chose, là. Contre le désert de glace. Ouais, exactement. Hey, dis-moi, Ouais. donc, en terminant, tu prévois faire ça combien, là, dans les meilleurs des mondes, là? Oh, dans le meilleur des mondes, 7, 8 là, heures, mettons 8, 9 que. heures? Oh, ben non. Non? Dans le meilleur des mondes, mettons que mes jambes vont bien, que mon cardio va bien, qu'il n'y a pas trop de vent, que je suis vraiment dans une bonne énergie, parce que, tu sais, on ne sait jamais le jour de la course comment ça va aller. Mais dans le meilleur des mondes, 4h10, je serais vraiment contente. OK. Ben Fanny, j'aimerais ça te Et reparler puis. la semaine prochaine, voir comment tu as trouvé ça, ton expérience, si possible. Ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ben, bonne chance, bravo, tu as trouvé pas mal courageux. C'est un peu flyé comme expérience, mais on se croise les doigts que tu réussisses ton exploit. Ah ben, je te remercie. Fanny Paquette de Dolbeau-Missisquoi qui va affronter demain le lac Saint-Jean, une course de 35 km entre Saint-Gédéon et Robertval.